Voici Guillermo Gouy. Mais non, Guillermo. L'humeur de Guillermo. Quel lancement. Bonjour les amis. Alors je vais vous faire un aveu. Salut. Tant que faire se peut, j'essaie d'être un mec viril. Il hein. y a du boulot. Ouais, non, c'est pas non, c'est vrai, l'autre jour encore, j'ai mis une veste en daim. C'est vrai. quand je vois du Malibu, le plus souvent, c'est on the rocks, compris Malibu. Mais par contre, moi j'adore les comédies romantiques. C'est vrai, j'ai un petit cœur. Deux fois, j'ai pleuré devant Shrek. Et pareil devant Notting Hill, en fait. Quand Julia Roberts, elle dit à Hugh Grant, je suis juste une fille devant un garçon qui lui demande de l'aimer. Ben, systématiquement, je commence à ovuler et tout. Et ça me chamboule vraiment. Vraiment, j'aime bien regarder les histoires d'amour. Alors, je dois vous dire un truc, Comment vous êtes trop mignons, vous et Emmanuel Macron en ce moment. Oh, sérieux, en Belgique, quand on vous regarde, on se dit, waouh, les Français et Macron, il y a trop de love. Sérieux, on dirait Jay-Z et Beyoncé au début, comme ça. Franchement, vraiment, c'est la meilleure période de la vie, les débuts de relation. Je comprends trop. Vous soyez à fond comme ça. J'imagine trop le moment où vous lui envoyez des textos, genre coucou. Je sais que c'est le début, mais je voulais simplement te dire que je suis bien avec toi. Trois petits points. Réponse d'Emmanuel, moi aussi, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis hyper longtemps. Trois émoticônes, jour rouge. Réponse des Français, si jamais ça te dit après mon dîner, je peux peut-être passer te faire un coucou. Réponse d'Emmanuel, j'adorerais. Trois petits points. Réponse des Français, à ce soir, trois émoticônes, bisous cœur. C'est tout à fait ça. Et là, t'as Macron qui répond plus à votre dernier message, coup de flip. Pourquoi il n'a pas répondu à mes trois émoticônes, bisous cœur? Je suis sûr qu'il est moins dedans que moi. Là, il va se dire que je le colle trop, j'aurais jamais dû mettre trois bisous cœur. Un seul, c'était assez, je suis nul. Mais non, vous êtes pas nul, il est juste fort occupé, il est président, il regarde pas son téléphone toutes les 30 secondes comme Nagui, pas de panique. Vous êtes adorables les Français avec Macron. C'est tellement chou de vous voir comme ça dans cet état. C'est le début, vous vivez toutes les émotions à 1000% comme ça. Là, il serre un peu fort la main à Trump. Oh, ça vous excite de dingue. Feu d'artifice d'hormones. Direct, vous lui envoyez un WhatsApp. Toi ce soir, je vais te bouffer. Sérieux. Émoticône salade. Il parle mal à Poutine devant tout le monde et dans votre tête, vous faites. Avoir un seul enfant de toi. Ça, vous vous dites, ça allait, c'est le bon, quoi. C'est le bon, c'est réglé. Et même quand il va pérenniser l'état d'urgence ou vous dégainer la nouvelle loi travail, vous allez lui trouver des excuses auprès de vos derniers potes un peu vigilants. Là. Vous allez faire, non, mais je dis pas ça parce qu'on est ensemble et tout. Mais franchement, Emmanuel, il s'y connaît hyper bien en entreprise et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment le début. C'est le début de votre couple avec Macron. Vous êtes tout feu, tout flamme et tout. Mais s'il y a bien un truc que j'ai retenu de mon amitié avec Ellie Barclay, c'est qu'on finit toujours par découvrir qu'en cachette, l'autre aime sucer son cérumen, parle mal aux sans-abri ou écoute le des cathédrales. C'est vrai, ça dure toujours qu'un temps, l'idylle entre les Français et leurs sauveurs. Regardez Jean Lannes, par exemple. Vous voyez qui c'est, ce monsieur? Non, mais voilà. Bon, il y a 217 ans, jour pour jour, le 9 juin, il gagnait la bataille de Montebello contre les Autrichiens. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'était la guerre il y a 217 ans, mais quand tu voulais tuer le mec d'en face, fallait mettre un peu du tien, quoi. Je veux dire, coup de tête, baïonnette et tout, c'était autre chose qu'un tweet Make the Plant Great Again, soufflé par le Direcom. C'était autre chose. Moi, je peux vous dire un truc, c'est qu'en 1800, c'était pareil. Les Français, ils étaient à fond sur le général Lannes. Lui aussi, faisait des selfies sur selfies dans la rue, alors qu'à l'époque, le temps que t'installes le chevalet, la toile, que tu dilues la peinture, que t'attends que ça sèche, t'avais bouffé une partie de ta journée. Et pourtant, Lannes aujourd'hui, c'est juste un boulevard. Du 16e, où il y a l'ambassade de Russie, quoi, là où le père Albert garde sa camionnette bâchée cuir, clou rouillé, qui fait cantine scolaire et salle d'autopsie. Bref, tout ça pour dire que franchement, j'espère que vous allez rester amoureux longtemps parce que c'est chou à regarder, mais comme j'en parlais encore avec Eddie Barclay récemment, l'expérience me fait dire que. Allez, bonne émission, les amis. C'est beau. Bravo, Guillaume. La bande originale. C'est bientôt la fin de l'idylle, quoi, c'est ça? Guillaume Auguiz. Non, mais j'adore le selfie tableau. J'adore l'idée du selfie tableau. C'est magnifique. J'adore.